Bonjour à tous, je suis Latnel et je suis en pyjama. Hé hey mec, j'adore tes grenouillères. Non, pas vraiment ce genre de pyjama. Enfin, je préfère pas rentrer dans les détails, c'est plutôt intime. Et je suis créateur de Sega... de Mono MP3. Et j'aime les sagas MP3 qui sont pas très dures à comprendre, parce que c'est dur à comprendre, ben je comprends pas en fait. Et toi, quel genre de saga t'écoutes? World of Netophonics. Découvrez, téléchargez, écoutez et commentez gratuitement sur www.netophonics.com. Ouais, ça fait peur un peu. Non. Ah si, ça fait peur.